Inch'Allah ta'ala, on va essayer de faire la traduction de l'intervention qui a eu lieu hier, chez vous, hier matin, dans la mosquée de Saint-Marcellin, avec le noble cheikh Abdurrahman Mahiyeddin, hafidhahullah ta'ala. Le sujet qui était choisi, c'était concernant donc l'entrée ou l'arrivée du mois de Ramadan, mais le cheikh a dû oublier qu'il s'agissait de ça, et donc il a effectué des recommandations et des conseils qui sont également profitables, mais qui ne sont pas forcément liés au mois de Ramadan. Donc l'intervention a été relativement courte, mais alhamdoulilah, elle n'est pas déchue de profit. Donc on va essayer d'établir la traduction, inshallah ta'ala. Donc le cheikh, hafidhahullah ta'ala, après donc la louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, la louange à Allah, subhanahu wa ta'ala, puis les salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, je loue Allah qui nous a accordé cette guidance, cette guidée. Et nous n'aurions été guidés si ce n'était lui qui nous avait accordé celle-ci, la religion de droiture, cette voie de rectitude qui n'est ni précédée ni succédée par le faux, par le tort et la déviation. Il s'agit d'une révélation émanant du Hakim, plein de sagesse, Al-Hamid, le digne de louange. Allah est le Seigneur des créatures et il aime qu'il soit adoré sans lui vouer un quelconque associé. Il aime que ses créatures se mettent sur la droiture. Il aime que ses créatures soient équitables et justes entre ses serviteurs. Il déteste l'injustice et l'iniquité et il aime la justice. Comme il dit dans le verset 90 de la sourate numéro 16 de Nahl des abeilles, Allah prescrit la justice, la bienveillance et l'assistance charitable aux proches. Il proscrit la turpitude, l'impudence et l'agressivité. Il vous exhorte pour vous inciter à bien raisonner. Donc il ordonne la justice, il ordonne la bienveillance, le fait d'être équitable, de faire équivaloir entre les gens dans ce qu'ils entreprennent. Que personne ne soit injuste envers quiconque. Quant à la bienfaisance, c'est que l'un d'entre nous ne soit pas malfaisant, plutôt qu'il soit bienfaisant, qu'il agisse d'une bonne manière dans sa vie. Car l'ihsan, la bienfaisance, c'est contraire de l'isa'a, la malfaisance, le fait d'agir mal. Le fait d'être bienfaisant dans son travail, dans ce qu'on entreprend, dans sa religion, dans sa vie. Et l'ihsan, donc dans la pratique et l'adoration, c'est le fait d'adorer Allah comme si on le voyait. Le fait que tu adores Allah comme si tu le vois. Si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Tu adores Allah et tu le crains. Tu as peur de lui, comme si tu le voyais, ainsi que le reste de ce que tu entreprends dans ta vie de tous les jours, dans ton quotidien, lorsque tu montes dans ta monture, quand tu vas à ton travail, quand tu es chez toi, avec tes enfants. Le croyant, le musulman, il sait qu'Allah le voit à chaque instant. Il est conscient de cela. C'est ça la bienfaisance, l'ihsan, l'excellence dans l'adoration. Meilleur comportement, meilleur caractère, meilleure mœurs, meilleure pratique. Comme on a dans ce verset 90, le sens rapproché, Allah prescrit la justice, la bienfaisance et l'assistance charitable aux proches. Les proches, il leur donne du bien, la bienfaisance, la grâce, le mérite. Aussi bien dans la nourriture que dans l'abreuvage, que dans vestimentaire. Les proches, les gens proches, ou les voisins, les frères, toute personne entreprend des choses dans sa vie, fait des choses, pratique des œuvres, font des aumônes. Le fait de donner aux proches. Et Allah interdit, proscrit la turpitude, c'est-à-dire le péché qui est gravissime, tel que l'assassinat, le vol, tel que la fornication ou l'adultère, les boissons enivrantes, l'alcool, le vin, c'est-à-dire la turpitude englobe tout ce qui est considéré comme péché, et péché gravissime. Toute personne dotée de raison, posée, va voir, ressentir qu'il s'agit de quelque chose de gravissime. Il ne va pas considérer comme étant quelque chose qui passe, quelque chose d'acceptable, mais plutôt comme quelque chose, comme étant une turpitude, une impudence, quelque chose de grave. Et le munkar, donc le blâmable, où certains traduisent par l'impudence, c'est ce qu'Allah a déclaré de la sorte. Ce qu'Allah a déclaré comme étant munkar, comme étant quelque chose de blâmable, de mauvais. Et le plus grave des munkarat, le plus grave des munkar, le plus grave, la plus grave des impudences, où des choses blâmables, c'est bien entendu le shirk, le polythéisme, l'associationnisme. C'est le plus grave. Car Allah est le créateur, le pourvoyeur, celui qui donne la vie et la mort. Comment peux-tu te détourner ton cœur de lui? Fait d'invoquer, d'appeler, de demander autre que lui. Il demande de l'aide, soutien à autre que lui. Tout ce qui rentre dans le cadre du polythéisme, de l'associationnisme, c'est le plus grave. C'est la plus grave des débauches ou la plus grave des impudences. Délaisser la prière, délaisser le jeûne, boire de l'alcool, la fornication, l'adultère, la triche, le mensonge. Allah interdit toutes ces turpitudes, toutes ces impudences, tous ces actes blâmables. Et tous les péchés en eux-mêmes sont des choses blâmables. Il n'est pas louable de parler avec une femme étrangère, une femme débauchée, qui fait apparaître sa beauté et qui n'est pas femme chaste, une femme pleine de pudeur, pudeur envers le mari, dans sa demeure, etc. L'homme également, la danse, la débauche, la perversité, la turpitude. Allah interdit toutes ces choses-là. Et le bari, donc la transgression, le fait de transgresser, de s'élever sur les autres, de transgresser, de dépasser les limites, le fait de faire preuve d'orgueil, de tyrannie, de sous-estimer les gens, de les avilir, de les négliger. Allah a dit à propos de Harun dans Sourate Al-Qasas, la Sourate 28, verset numéro 76. Inna Harun kana min qawmi Musa fabara alayhim. Tel est l'exemple de Harun, Corée, qui appartenait au peuple de Moïse, il fut arrogant envers eux. Bara alayhim al-bari. Il fut arrogant envers eux. Lorsqu'il s'est enrichi, il est devenu arrogant, tyrannique. Il s'est élevé sur les autres. Et il a sous-estimé les autres, négligé les autres, ne leur a pas accordé d'importance, de valeur, car il était riche. Mais Allah l'a rétribué en conséquence de son élévation et a fendu la terre pour l'engloutir. Elle a fait descendre au plus bas degré. Comme on a dans le verset 80, le même surat 28, le récit, ce n'est pas ainsi que le musulman doit agir. Au contraire, le musulman, Allah l'a caractérisé quelques versets plus loin dans le verset 83, toujours cette même surat 28, le qasas, le récit. En vérité, le bonheur de la vie de l'au-delà, nous le destinons à ceux qui ne cherchent pas à dominer le monde ni à semer le désordre sur terre. Voilà donc la restriction et l'interdiction concernant donc cette agressivité, concernant cette transgression. Et Allah vous évoque ces exemples-là afin que vous réfléchissiez, vous méditiez à ce propos et que vous en tiriez profit. Il y a la modestie et la transgression. Celui qui reste modeste et humble pour Allah, Allah l'élèvera. Il élèvera cette personne, il élèvera ses actes, sa pratique. La modestie, la patience, la simplicité, le fait de ne pas s'élever sur les autres, de ne pas s'enorgueillir sur les autres, de ne pas être injuste envers les autres, de ne pas insulter les autres, le fait de bien s'exprimer, de bien échanger avec les autres, de manière polie, de manière éduquée, de manière simple. Ce verset, très important, ce verset 90. Donc on va relire. Allah prescrit la justice, la bienveillance et l'assistance charitable aux proches. Il proscrit la turpitude, l'impudence et l'agressivité. Il vous exhorte pour vous inciter à bien raisonner. Voilà notre vie. Le fait de se conformer à l'ordre d'Allah. À travers l'évocation d'Allah, les cœurs s'apaisent. Évoquer Allah à travers la langue, à travers les cœurs, la langue. Évoquez-moi, je vous évoquerai comme dans un verset. Et Allah nous soutiendra. Il fera en sorte qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Évoquez-moi, je vous évoquerai. Toujours, nous devons évoquer Allah avec la langue, la lecture du Coran, du Coran, la demande de pardon, le fait de rechercher la science, la compréhension de la religion, la pratique de ce qui est profitable pour nous. Et c'est un commerçant qu'il agisse en conséquence de cela, pas le commerce à travers ce qui est interdit. S'il a une boutique, il vend des vêtements ou de la nourriture, ce qui est profitable aux gens. Il ne vend pas d'alcool, de vin ou des cigarettes ou tout ce qui est relatif à la débauche, à la turpitude, à la perversité. Ou alors il vend des livres profitables, etc. Et Allah pourvoit ce qu'il veut. Sans sans limite. Beaucoup de gens sont décédés et on va tous mourir un jour. Allez, versets 30 et 31, surat 39, Zomar, les groupes. Certes, ils le sont rapprochés, certes, tu mourras un jour, et eux aussi mourront. Ensuite, le jour de la résurrection, vous plaiderez vos causes devant votre Seigneur. Les gens verront leurs actes. Les gens verront leurs pratiques et leurs actes qu'ils ont mis en œuvre. Ici-bas. Comme on a donc dans le verset, à surat 99, Zalzala, le séisme. Verset numéro 6, le sens rapproché. Ce jour-là, les ressuscités se présenteront séparément pour qu'ils soient montrés à chacun le bilan de son action. On demande à Allah de nous accorder la réussite pour les bons actes, la bonne pratique. Voilà donc ma recommandation à votre égard. Et c'est sur quoi je voulais vous faire le rappel, vous évoquer, craignez Allah, à propos de vos enfants. La femme doit être chaste, pudique, préserver sa propre personne, préserver ses enfants, respecter son mari, selon ce qu'il lui ramène. Il ramène du pain et de l'eau. Mange à Allah. Il lui ramène notre nourriture telle que du poulet ou autre, selon ses capacités, selon ça. Elle ne lui demande pas quelque chose qui est hors de ses capacités. Plus important, adorer Allah, se conformer à son ordre et être consciencieux, suivre son obéissance et s'y conformer. Demandons à Allah qu'il nous accorde la chasteté, le fait de se suffire à ce qu'on a, la piété, la patience, l'indulgence, qu'il nous donne la compréhension de la religion. Et ensuite, donc, le cheikh a terminé par les salutations sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les compagnons, et il a clôturé donc son assise.